Des studios de la Radio Campus de Trois-Rivières. C'est les palmarès, c'est fou! Bonjour et bienvenue au Palmarès, c'est fou pour la semaine du 22 au 28 novembre 2010. C'est Stéphanie Gagné. Et lui, c'est Mathieu Plante. Bonjour les palmiers. Bonjour. Vous allez bien? Oui. Ah, fallait pas que je me rapproche du micro, sinon ça paraissait que c'était moi qui faisais la voix. Hein. Un peu. Ça. Donc, nouvelles entrées cette semaine dans les palmarès. On en a 5 en tout. Oui, on en a 2 du côté francophone, 3 du côté anglophone. On va entendre The Clothes Make the Man, Tokyo Police Cop et The New Pornographers côté anglo. On a aussi Jimmy Hunt du côté franco, mais on va débuter avec une nouvelle entrée de Vanessa Parietar en 20e. C'est sur leur maxi Canicule et Ours Polaire, Le Reflet. Le Reflet, nouvelle entrée, 20e position. Au palmarès, c'est fou, 89.1 FM. Thank you. steps we skipped, tripping wisely as we carefully crossed. The New Pornographers et la pièce... Est-ce que j'ai dit The New? Ça sonnait comme ça, oui. The new. Pornographers, la pièce My Shepherd, nouvelle entrée en 20e position anglophone. Et juste avant, c'était Vanessa Parietter avec Le Reflet du côté francophone. Et il nous reste encore trois nouvelles entrées qu'on va faire jouer toutes d'une frappe. Oui, ça n'arrêtera même pas. Il va y avoir tout à l'heure Tokyo Police Club et Close Make the Man. Et à la 19e position côté francophone, c'est Jimmy Hunt avec Everything Crash de son nouvel album Jimmy Hunt. Ah, et en début d'émission, ça me rappelle, on n'a pas parlé de ce qui s'en venait plus tard dans l'émission. Il y a plein de contenu aujourd'hui. Ah, oui, ah. Il va avoir la chronique Guess What, il va avoir Meilleur moment instant classique. Mm-hmm. Et l'entrevue avec Ariel que j'ai réalisé un petit peu plus tôt cette semaine dans nos bureaux. Donc, soyez à l'écoute pour ça, c'est tout à l'heure, plus tard dans l'émission. Alors, on commence donc le bloc de nouvelles entrées avec Jimmy Hunt. Voici Everything Crash. Dans les palmarès, c'est fou. Un condensé de la meilleure musique que c'est pas à vous offrir. Hey, hein, chanceux, le monde sont là, mais ils écoutent, synthonisent le poste. Wow, je tombe directement sur le meilleur. On peut pas demander mieux. J'ai mis du gaz pour tout faire dans l'iPod de Mariana. Elle m'a donné son Jack et Me Too et le best of des Éthiopiens. Everything crush. Chacun sa trompe sonore, on est resté des heures dans sa chambre. Marianne m'a repoussé quand j'ai voulu mettre ma main en ses jambes. Everything crush. J'ai mis du gaz pour te faire dans l'iPod de Marianne. Mais j'ai gardé sur Jackie Me Too et le best of des Éthiopiens. Everything crush. Je vais devoir me rassembler tous les jours en rêvant ses mains. Everything crush. Je suis parti refroidir sans te revoir Marianne. Mais j'ai gardé son Jackie Me Too et le best of les Éthiopiens. Everything crush. La formation Close Make the Man avec Dreamless Nights, position numéro 18, nouvelle entrée de l'album, en fait, du Maxi Control. Ça, en passant, c'était un album qu'on écoutait dans la section Le Poste d'écoute d'Assemblage Requis, diffusé du lundi au jeudi, de 7h à 9h. Oui, mais semblait aussi que j'avais déjà entendu la pièce, ça me disait quelque chose, c'est bien bon. C'était pour ça, ben oui, c'était bon. Ben la preuve, c'est dans le palmarès maintenant, hein? Oui, oui. Et juste avant, c'est à la 19e position anglophone, c'était la nouvelle pièce Favorite Color de Tokyo Police Club. Et on a aussi entendu tout à l'heure Jimmy Hunt, et je vous rappelle que Jimmy Hunt est en spectacle ce soir au Zenob. Oh, c'est vrai? Bon oui. Point. Moi, je vous rappelle qu'on a sauté par-dessus la position numéro 18 francophone. C'était « On verra » de Jésus les filles, 8e semaine de présence, mais une chute de 5 places. C'est sur sa fin, cette pièce de Jésus les filles, malheureusement. Peut-être en entendrons-nous une autre plus tard. Peut-être. On ne sait pas. On va aller aux positions numéro 17 maintenant. Du côté anglo, ça monte de 3 places. C'était nouveau la semaine passée, « Magic Snake » de Danko Jones. Et côté francophone, c'était aussi une nouvelle entrée la semaine dernière. C'est Bernard Adamus avec Brun, la couleur de l'amour, qui monte de une position. On écoute ça au palmarès, c'est fou, au 89 FM. C'est bon? Six packs de brou, oubliez que je m'ennuie. Deux, trois pintes avec mon chum mimé. Assis au bord, on est prêt à s'oublier. Oh non, je veux rien savoir. Quand en plein jour, j'ai peur du noir. Quand je suis sans traque avec la gueule qui shake. Le dick à broil, pis cerveau à bake. Mais t'as le goût. Taylor Swift, ta vie d'avoir de plein la face. Salut Ryan, c'était un autre jour de pluie. J'suis capitaine de mon propre ennui. Brun, la couleur de l'amour. Brun, la couleur de l'amour. Quand j'en arrache pas, j'ai de la marde dans la bouche. Plus j'y pense, moins je peux m'en rappeler. C'est le mois de décembre ou bien le mois de mai. Mais tout coule, tout recommence. Plus t'approches, pis plus ça t'avance. Tu flottes quelque part dans un océan de bière. Pourquoi tu ris? Aujourd'hui c'est comme hier. Mais t'as le goût. Taylor Swift, ta vie dans le train de plein à la face. Salut Rogan, c'était un autre jour de pluie. J'suis capitaine de mon propre ennui. Brun, la couleur de l'amour. Brun. Dans le fond de ma carapace. Si demain matin il déclare des élections, moi puis lui on vote pour que tu reviennes à la maison. Pour que ça soit drôle, faudrait au moins que ce soit le fun. La toune est là, mais je la chante à personne.

La couleur de l'amour. C'est du trad. Du traditionnel. Ou du trad. Traditionnel. Alors, on est rendu aux positions numéro 16. Du côté anglo, c'est Weezer avec, ou avec l'accent anglais, Weezer. Oui, Weezer. Weezer. Weezer. Avec la pièce Hang On qui monte de 3 places. C'était nouveau la semaine passée. Et côté francophone, justement, aussi une autre nouveauté de la semaine passée, c'est les Fragoyettes qu'on a entendu avec... Traditionnel. Les Fragoyettes avec la pièce Mercury, Pierre Mercure de leur album Rencontre du troisième âge. Et restez là parce que plus tard, plein d'autres bonnes choses pour vous. La chronique culturelle Guess What? Les instants classiques d'assemblage requis. Guess What? Guess What? Et l'entrevue avec Ariel. Ça va être délicieux. T'as un bonbon noir. Ça a rapport avec Ariel. Je sais même pas, en tout cas. Bref. On verra. Pierre Mercure. Ouais. Fragoyette. Canada de fin FM. C'est fou. Torque. Il fait un froid de canard et février demeure le mois le plus tough. Et dame nature pousse sa loque. Voilà que les plus braves déblaient la glace et mettent la table. Le hockey est à la carte. Et certains disent qu'un prodige serait au vestiaire. Un bel vedette, tu les penfouis sous un gros pied de terre. Un genre de qui la fleur évoluant pour sa brosse à faire. Mais qui patine pas, qui se joue en sneak. L'athlète semble venir d'ailleurs d'un long voyage en porte-conteneur. Mais c'est aidé, oui, dire, il a son passeport, il a sa paperasse et il a le CH tatoué sur le cœur. Ouais, il a le CH tatoué sur le chest. Et certains disent ben chemé avec Crosby. Il met la marque d'enfant chaque fois qu'il se pointe la face à la glace. Oh ouais, c'est une machine. Il aurait pu jouer pour la grande ligue, mais c'est pas une fois. Il joue en sneak. Non, il patine pas. Il joue en sneak. Oh, et la gagnante qui veille au grain lui sert un solide coup d'épaule, mesdames et messieurs. Brouillette est ébranlée. Sur la glace, il ramasse les dents. Dans ce temps-là, Marchand se sauve avec la rondelle. Le long d'abord, il file, il vole. Le bouquin est en feu, mesdames et messieurs. Il passe à Mercure. Mercure devant le défenseur. Le dévoue habilement. Renvoie à Marchand. Marchand zigonne avec la rondelle. Le renvoie à Mercure. Là, c'est sur réception. Il se réplique. Et quand le ref drop la poque, on peut sentir toute l'onde de choc. Le slap shot résonne comme un grand coup de gun. Non, c'est les pads du Golden Goal. Les jambes vivantes qui blessent de l'air. Mais au tiers de la partie, les hommes bonnies de Vélène de l'ouragan. Sur le net, au cfou.ca 89.1. You know. this was just a very first start. There's more that I hold in my heart. I'm waiting for a chance to show you how I long to be. Over and over, we swore it was over, but just like I'm solar, you warm up to me. Hang on till I see you again. I'm going to be more than a friend. You know that this isn't the end, so hang on. Hang on. Hang on till the break of the day. We'll cast all our troubles away. Avec Hang On, 16e position, ça monte de 3. C'était une nouvelle entrée la semaine dernière. Avant, c'était les frères Goyette avec Mercury, aka Pierre Mercure, qui monte d'une place. C'était nouveau, ça aussi, la semaine passée. Oh, que oui! Que oui! Stéphanie, je te regarde. Tu me regardes. Je te regarde en ce moment. T'as l'air du genre de fille qui a envie de regarder ce qui se passe ailleurs dans les palmarès, hein? Ben oui! Parce que ça apparaît, c'est clair comme de l'eau de roche sur le dos d'un canon. Donc, les palmarès, c'est fou, c'est plus que seulement un top 20 francophone et un top 20 anglophone, n'est-ce pas? N'est-ce pas? N'est-ce pas? C'est aussi un top 10 électronique, un top 10 loud, un top 3 canadien et un top 30 des CD par lequel on va commencer d'ailleurs. Nouvelle entrée en position numéro 18, c'est la seule Close McDonald avec Control EP, leur maxi. D'ailleurs, Close McDonald qui est en position numéro 18 du top 20 anglophone également. Top 3 de ce top 30 des CD, montée de 17 places pour Our Book and the Authors avec Remixes. On est tous très heureux de l'entendre. Même chose pour OKGO qui monte de 3 places avec Out the Blue Color of the Sky. Et même chose aussi, pour être juste avec tout le monde, Stab en première position, 23e semaine de présence pour Golden Bombay de Mister Valère. Et dans le top 3 des 10 Canadiens, numéro 3, Black Mountain avec Wilderness Heart qui monte de 4. Deuxième position, Our Book and the Authors qui monte de 18 positions avec leur album de remix. Et première position qui reste stable, c'est Mister Valère avec Golden Bombay. Regardons un petit peu le top 10 électronique maintenant. 4 nouvelles entrées en 10e place. Top 10 avec une position 17, ça serait bizarre. Hein? Dead Red Velvet avec Full Moon Film et une nouvelle en 10e. 6e, The Age avec A Darker Stanley. En 5e, Ian Bodhi avec Pearl. Et en 4e, 65 Days of Static avec Heavy Sky. Top 3 maintenant, montée d'une place pour la 3e, LCD Sound System avec This Is Happening. En 2e, ça monte d'une place aussi, Lovers avec Dark Light. Même chose, la première monte d'une place, Gold Panda avec Lucky Shiner. Dans le top 10 loud, on a deux nouvelles entrées. 8e position, God Dethroned avec Under the Sign of the Iron Cross. 6e position, Seventh Sin avec Stranger Among Gods. Et pour le top 3, numéro 3, Holy Grail avec Crisis in Utopia qui monte de 3. 2e position qui monte de 1 et c'est sa 11e semaine au palmarès, Blind Guardian avec At the Edge of Time. Et numéro 1 qui reste stable, Cradle of Filth avec Darkly, Darkly, Venus, Aversa. Voilà pour ce qui se passe ailleurs dans les palmarès. Retournons dans nos deux top 20 du côté anglophone. La position numéro 15 est occupée par Winter Sleep avec Preservation qui monte de 2 places. Et côté francophone, c'est Danny Placard qui descend d'une position avec la pièce Janine de son album Placard. Ça se passe maintenant dans les palmarès, c'est fou, au 89.1. 15. That night he hurt you bad in that green pastel summer dress. You die alone with the land, a hollow head in its hands. But everybody does that. But with particular scorn, in polyurethane form, freeze-dried stuff to the brim. Preservation, preservation, preservation. Hide in that hideous mask. Your daddy should have shaved grass. I told you I couldn't see it. A monument of pills, grocery list, telephone bills, pamphlets and dollar store trinkets. Preservation, preservation, preservation, preservation, preservation, preservation. Reservation de Winter Sleep au numéro 15 anglo, ça monte de deux places. Et juste avant, c'était Danny Placard avec Janine. Ah, Janine! Qui monte, non, qui descend. Qui descend. Place. Oh, c'est triste. On est triste. Oui. On est heureux, par contre, parce que maintenant, c'est le moment de parler des nouvelles artistiques et culturelles de la semaine dans la chronique Guess What? Guess what? Guess what? Guess what? Guess what? Qu'on se connaît? Guess what? Guess what? Stéphanie, quoi de neuf? Plein de neuf, Mathieu, comme d'habitude. Toujours plein de neuf. Dis-moi en plus. Alors, ça irait mieux si la gorge serait là aussi. Bon, Plants and Animals vont partir en tournée et il va y avoir sept spectacles avec Carquois, mais étrangement, les sept spectacles avec Carquois, il n'y en a aucun au Québec, c'est tout en Ontario. Mais ensuite, Plants and Animals vont venir du côté du Québec. Mais sans Carquois. Mais sans Carquois. Bizarre. Bizarre, hein? Ils vont être du côté du National le 11 mars et le 12 mars au Cercle. Est-ce que tu penses que Carquois commence à être populaire au Canada anglais à cause des prix truc qu'ils ont gagnés, alors qu'au Québec, même s'ils gagnent des prix en anglais, ça les rend pas plus connus pour les spectacles? Je sais pas. Peut-être qu'ils attiraient pas assez de monde. Peut-être. Dur à dire. Dur à dire. Nous, les prophètes en son propre pays, comme dit le slogan de Kellogg's. Ensuite, Mathieu, si tu te demandes quoi acheter comme cadeau de Noël pour quelqu'un qui aime beaucoup la musique indie, c'est comme moi. C'est ça, tu veux que je t'achète un cadeau, c'est ça? Non, pas pendant tout. Okay. J'aime vraiment pas Noël. Mais bon, il y a un album qui sort qui va s'appeler Gift Wrapped to Snowed In, qui est une compilation pour Noël, mais vraiment pour les amoureux d'indie. Il y a 21 pièces. Il y a des pièces typiquement de Noël, là, des fêtes, mais aussi des pièces originales. Il y a entre autres Tegan and Sarah, The Flaming Lips, le défunt groupe Oasis et Regina Spektor, entre autres, plein de bons groupes. Donc, ça risque d'être un album assez intéressant, malgré que c'est pour Noël. Je suis pas une tripeuse de musique de Noël, mais on sait jamais. Ça s'écoute quand même, des fois. Des pièces qui sont pas trop Noël. Là. Ouais. Mettons, ouais. Céline Dion chante Noël, peut-être pas. Annie Villeneuve, hein? Je sais pas si t'as vu, là. Hey, c'est cute! J'ai vu, j'ai pas entendu, par chance. Je pense pas que ça va arriver d'ici bientôt. Non. Non. Ça va être sous mon sapin, dans le sens que ça va servir d'engrais. Ensuite de ça, après une année assez chargée pour Robin avec ses trois albums de la série Body Talk, en passant, le troisième album de cette série-là est sorti cette semaine. Robin a annoncé une tournée nord-américaine. Il y a trois arrêts au Canada, Toronto, Montréal le 27 janvier et Metropolis à Montréal et Québec le 28 à l'Impérial. Donc début 2011, Robin qui va être du côté du Canada. Ensuite de ça, j'avais parlé de Waves avec le Power Couple. Waves avec deux V, là. Oui, Waves avec deux V. Le chanteur Nathan Williams s'est fait arrêter en Allemagne pour possession de marijuana. Mais faut pas avoir peur pour leur tournée nord-américaine parce que la caution de 200 euros a été payée. Et il a dit sur Facebook ou Twitter que tout de suite en sortant, il retournait à ses habitudes de fumage. Ah ben c'est bien qu'il le dise, hein? Comme ça, il sera pas du tout surveillé. Non, c'est ça. Ouais, mais dans toutes les pièces, ça parle de ça. Ouais. C'est vraiment... Je pense qu'il s'en cache pas du tout, mais vraiment pas. Ensuite de ça, magazine Rolling Stones a publié les 11 meilleures chicanes dans le monde de la musique. Chicken, comme dans poulet. Oui. Non, les vrais. Ou le groupe de musique, la Chicken. Non, les 11 meilleures engueulades, vous pouvez les lire sur exclaim.ca aussi. Ça inclut les membres d'Aerosmith, Oasis, Beatles, Rolling Stones, Van Halen aussi. Plein de groupes qui ont eu des chicanes très, très drôles. Mmh. Jimmy Hunt, qui est dans le palmarès, c'est plus Motocross qui est dans le palmarès, mais il a sorti un vidéoclip pour cette pièce-là. Dans le fond, le clip, c'est comme si t'étais dans les coulisses du tournage d'un clip. OK, ah, j'aime ça. Avec lui, avec un suit de motocross, là, le casque pis tout. Puis là, il attend. Puis là, ils reçoivent pas leur motocross, fait que là, il attend, puis il niaise. Puis là, il peut pas enlever son costume parce qu'ils disent « Ah, oh, le motocross s'en vient bientôt. » Puis dans le fond, c'est lui qui attend sur un... Ouais. C'est spécial, j'aime ça. Ouais, mais tu vois qu'ils ont fait un vidéoclip pour Motocross. Nous, c'était sur le palmarès pendant un bout de temps et maintenant, ça l'est plus. Même, on est même à l'avance des artistes eux-mêmes. T'imagines comment c'est fou être en avance. On aime ça. Il y a aussi un clip pour Sufjan Stevens pour la pièce Too Much. Le vidéoclip est vraiment très, très étrange, mais bon, la pièce est vraiment excellente. Ça se décrit même pas. C'est vraiment bizarre. Faut vraiment voir ça, Sufjan Stevens avec Too Much. Écrivez S-U-F-J-A-N. Ouais. Si vous voulez le trouver, parce que c'est pas par notre façon de le dire, qui est correcte en passant. Pour une fois. C'est ça, que vous allez le trouver, parce que faudrait le prononcer mal pour que les gens puissent le chercher. On l'appelait Sufjan. Sufjan. Sufjan. Sufjan. tiens. Cherchez-le comme ça. Donc, Crystal Castles, non, pas Crystal Castles. Crystallized, qui est la pièce de The XX. Gorillaz l'a repris. C'est pas aussi bon que l'original, mais c'est quand même, j'ai quand même apprécié le cover de Gorillaz. J'adore Damon Albarn. Alors, l'entendre chanter une chanson de The XX, j'ai vraiment aimé. Ça te fait fondre. Ça me fait fondre, oui. Taking Back Sunday, qui est un groupe que j'aime beaucoup depuis de nombreuses années, ont annoncé qu'ils allaient sortir un nouvel album. Leur dernier album, You Again, remonte à 2009 et ça a vraiment été un flop. Cette année, ils ont sorti un album, mais c'était pas un album original. C'était un album acoustique live à Orange Sands. Mais l'album n'a pas encore de date de sortie ou de titre, mais devrait sortir en 2011. Il y a une nouvelle pièce qui ont sorti, Best Places to be a Mom, et c'est vraiment très, très prometteur. Ça sonne pas du tout comme du New Again. Ça sonne vraiment comme du vieux Taking Back Sunday, comme Make Damn Sure. C'est très, très bon. Donc, j'ai vraiment hâte que c'est de sorte. C'est un achat certain. Certain. J'ai la discographie complète. C'est très, très bon. OK, un groupe un peu commercial, mais je tenais à le dire pareil. Coldplay vont lancer une nouvelle pièce la semaine prochaine. Leur propre pièce de Noël qu'ils ont faite, Christmas Lights, qui va sortir le 1er décembre sur iTunes. Et avant-dernière nouvelle, Noel Gallagher, le frère de l'autre, qui a sorti un nouveau band, BDI. Ouais, oui, le gars qui joue dans D.O.C., là, c'est ça? Non, Oasis! Ah oui, c'est ça. Oui, Liam Gallagher qui a un nouveau band qui s'appelle BDI. Dans le fond, c'est tous les membres d'Oasis, sauf Noel Gallagher. Eh bien, Noel Gallagher a annoncé qu'il travaillait sur un album solo, un peu revanche. Mm-hmm. Donc, c'est ça, il travaille sur un album solo, mais qui devrait pas paraître bientôt parce que sa femme est sur le point d'accoucher. Alors, il dit ça sera pas pour tout de suite l'album solo. Revanche, pas fin, ça. Non, mais les deux frères, je pense pas qu'ils s'aiment bien, bien. Hein? Est-ce qu'ils sont en... À Gallagher. Gallagher. De famille. C'est trop drôle. Ouais, merci. Trop drôle. Dernière nouvelle, c'est aussi un nouveau vidéoclip. C'est pour Arcade Fire. C'est la pièce Suburbs. Et ça a été réalisé par nul autre que Spike Jonze. Spike Jonze qui a fait le film Where the Wild Things Are en 2009. Il a aussi fait plusieurs vidéoclips de Beastie Boys, Fatboy Slim. La plupart de ces vidéoclips sont vraiment... vraiment buzzfucké, comme on dit. Sont étranges, ouais. Mais sont reconnus. Là. Mm-hmm. On en entend parler pendant longtemps. Et dans le clip d'Arcade Fire, c'est des jeunes qui se promènent en bicyclette dans un quartier où il y a une présence policière et militaire qui semble un peu exagérée. C'est vraiment très étrange comme clip. Je ne veux pas vous donner tout le scoop. C'est un peu comme un mini-film. C'est super bon. Alors, allez voir ça, Arcade Fire, pour la pièce Suburbs. Et c'est justement cette pièce-là qu'on va aller entendre. Dans le blog Guess What de Stéphanie Gagné. Grab your mother's key. Arcade Fire avec la pièce The Suburbs de leur dernier album qui est sorti l'été dernier, 3 août, dans ce coin-là. 3 août? 3 août. À peu près, mettons. Début du mois d'août, mettons. Début du mois d'août. Soyons vagues. Allez voir le vidéoclip, il est vraiment très bien fait. D'accord. D'accord. C'est la chronique Guess What de Stéphanie Gagné sur les affaires qui se passent dans le monde artistique. T'sais? Des vidéoclips, des bandes qui se chicanent. Ouais. Des tournées nord-américaines. Mm-hmm. Plein de choses super intéressantes. Oui, oui. Super. Merci. Super. Super. C'est la fin de la première heure des Palmarès C'est fou. Il y en a une deuxième qui s'en vient juste après la pause. Il va y avoir des artistes comme Diamond Rings, The Gaslight Anthem, Hooded Fang. Ariel, Vulgaire Machin, Jérôme Dupuis-Cloutier. Oui, on retiendra jamais ce nom de famille-là. Hein? Mais pourtant, c'est vraiment bon. Oui, Jérôme DC, je trouve. Comme Jérôme DC. Jerry Dick, pardon. Non! Non! Non. L'entrevue avec Ariel s'en vient aussi, la scène. Jerry Dick. C'est fou, ça. La deuxième heure des Palmarès, c'est fou pour la semaine du 22 au 28 novembre 2010. Stéphanie Gagné est toujours là. Mathieu Plante est toujours là, évidemment. Et vous êtes toujours là, j'espère que vous étiez là avant la pause et que vous allez l'être jusqu'à la fin de l'émission, au moins, et dépasser ça en plus. Oui, dépasser ça, parce que c'est une très, très bonne émission qui suit. Une belle bêche en mission, genre. Deuxième heure qui commence avec nos positions numéro 14 du côté anglophone, c'est Diamond Rings avec Something Else qui descend d'une place. Et côté francophone, c'est Chantal Archambault avec Le Poil à bois que, en passant, elle a publié son nouveau vidéoclip pour cette même pièce sur Facebook. Donc, vous pouvez aller voir ça. C'est Le Poil à bois. Quatrième semaine et qui baisse de 5 positions. Et restez là parce que juste après, on va sauter par le supplément de l'affaire. J'ai le feu pris à l'intérieur de moi. J'ai le cœur qui vit au tremblement dans tes yeux. Je me dépense entièrement. Tes mots tendres me fondent dans la bouche. Les fils de Diamond Rings avec la pièce Something Else. C'était à la 14e position et ça descend de une position. Malheureusement, j'adore cette pièce. Oui, Delicious. Delicious. Avant ça, du côté francophone, c'était Chantal Archambault avec le poêle à bois qui descend de la 9e place, donc de 5 positions. Oh que oui, c'est dommage pour un poêle à bois de s'éteindre avant son temps. Poésie. Et là, malheureusement, on ne peut pas rentrer 40 pièces dans notre émission. Alors, il faut faire des concessions et passer par-dessus quelques pièces. Et c'est ce qu'on va faire pour la 13e position des deux côtés. Donc, on va passer par-dessus JP Dalpé avec Mauvaise Track. C'était le numéro 1 la semaine dernière, mais c'est quand même sa 10e semaine au palmarès. Et côté anglophone, c'est Katie Tunstall avec Still a Weirdo qui descend d'une position. C'est un peu comme quand tu vas dans un carnaval à Ronde, mettons, puis que tu sais, tu manques de temps, puis là, ben, il faut que tu sautes par-dessus un manège ou deux. Pas parce qu'il te donne mal au cœur. Tu sais, JP Dalpé, ça ne donne pas du tout mal au cœur, là, c'est pas ça. Mais des fois, tu sais, il y en a qui sont meilleurs que d'autres. Peut-être que tu fais pas le petit manège, le petit train. Trop plate, ça, tu sais. Trop plate. Mais c'est pas on plate, peut pas dire que ça, c'est non. Plate, parce que les deux pièces sont vraiment excellentes. L'analogie est vraiment merdeuse, hein. Vraiment, hein. Ouais. OK, donc on va passer aux positions numéro 12, mais on en saute une aux positions numéro... c'est quoi? C'est 12. On est rendu à 12, oui. Mais on saute la francophone, comme tu disais, Atomic Baobab, bombe cérébrale. On va aller du côté anglo de Gaslight Anthem. On va les entendre avec Bring It On. Ça monte de 6 places et c'était nouveau la semaine passée. Bon. Oui, c'est ce qu'on va l'entendre. Bring It On, Gaslight Anthem. Ils disent si bien Bring It On comme dans Stop With Your Stupid Jokes. C'est comme quand t'as juste une pièce puis tu sais pas quoi acheter au dépendant comme bonbons. Ils sont tous bons, mais il faut que tu choisisses. Ah, t'es vraiment forte sur les analogies. Wow! Ouais, mais ouais. C'est ça. On va aller écouter Bring It On. Tu mets tout ton argent sur les framboises, quoi, c'est ça? Ben, il y a pas mal juste ça de mangeable, hein? Des peanuts! Non, des framboises. Peanuts! Des framboises! Queen of the Bronx. Blue eyes and spitfire. I saw you walking back and forth about another boy, thinking that you may wanna leave. So give me the fevers that just won't quit, and give me the children you wanna raise, and tell me about the cool he sings you in your songs. If it's better than my love, then bring it on and take it back. Streets where you know you used to be, for the Romeos of town. If I bring you down, and you're tired of those vows, and you're really walking out, then give me the fevers that just won't break, and give me the children you wanna raise, and tell me about the cool he sings you in your song. If it's better than my love, baby, bring it on. Oh, bring it on. Stop clicking your butt, here's a mission for home. I'm hearing that he tells you he can read your bones. Is he better than my love? Is he better than things you've been feeling that he says they'll never know, and you say the night just got too cold. Well, everybody's cold. Who's gonna keep my baby warm? Who's gonna keep my baby warm when everybody goes? So give me the fevers that just won't break, and give me the children you don't wanna raise, and tell about the cool he sings you in your songs. If it's better than my love, c'est fini. C'est lui qui t'a choisi. Sur ton front, il vient t'écrire qu'il est faux ton sourire. C'est là qui se promène. Johnny Malaise sur ton chemin cassant le tien. Une main moite tu lui tends. Il lui crache dedans. Par la pire insulte, il te frappe pour que ton petit cœur dérape. Jamais bien où tu mets les pieds, c'est là qui se promène. Johnny Malaise sur ton chemin cassant le sien. Johnny Malaise de Jérôme Dupuis-Cloutier, position numéro 11, ça monte de 8 places, c'était nouveau la semaine passée et sérieusement cette pièce-là, elle est accrocheuse à souhait. Oui, on a passé par-dessus numéro 11 côté anglophone, l'excellente pièce aussi Night Moves de Chili Gonzalez. On l'aime beaucoup, mais on doit sauter par-dessus des choses, ça arrive. Oui, c'est une baisse de 4 positions et c'est quand même sa 7e semaine, alors ça fait un petit bout de temps que c'est là. Est-ce qu'on a mentionné la 12e position francophone qu'on a sauté? C'était Atomic Baobab avec Bombe Cérébrale. Oui. Ça monte de 3, ça vaut la peine d'être répété. Parce que c'est une formation locale, on déteste sauter une formation locale, mais c'est ça, tu sais. C'est une des plus vieilles qu'on a ici, 8 semaines. Oui, mais je me suis fait promettre qu'on recevrait bientôt l'album d'Atomic Baobab. Ouh. Le maxi de 5-6 pièces. Par contre, c'est les pièces anglophones, mais peut-être prochainement au palmarès. Bien hâte d'entendre ça. On va passer aux positions numéro 10. Du côté anglophone, c'est Hooded Fang avec Laughing qui monte d'une place. Et côté franco, c'est Je m'excuse, je t'aime des vulgaires machins qui baissent de 7 positions de leur album Requiem pour les sourds. Et restez là parce que plus tard dans l'émission, il va y avoir l'entrevue avec Ariel. Avec leur album, leur excellent album Après le crime, on va aussi avoir les meilleurs moments d'assemblage requis dans un instant classique. Mais pour l'instant, comme tu le disais, voici Je m'excuse, je t'aime des vulgaires machins dans les palmarès. C'est fou au 89. Mon cœur, ça m'est entier dans le désert. Au retour, Hooded Fang, Fun, Brand 23000, Ariel et Alex le Maniaque dans les palmarès, c'est fou. Avec la pièce Laughing, 10e position, ça monte de une place. Avant ça, du côté franco, c'était Vulgaire Machin avec Je m'excuse, je t'aime. Ça descend de 7 places et c'est la semaine numéro 6 pour cette pièce. C'est bien, hein? C'est bien. Quand même pas pire, ça. On est rendu à la 9e. Oui, 9e position. Oui, tu m'arrêtes dans mes fesses et jets, j'aime ça. C'est bien, parce que sinon, je mens pas puis je dis n'importe quoi. Donc, 9e du côté... On va faire le contraire cette fois-ci parce que juste après ça, après Ariel, tout à l'heure, il va y avoir l'entrevue que j'ai réalisée avec Célène et Ariel de la formation Ariel. C'est excellent et ça va être juste après. Donc, Ariel tout à l'heure avec Fringuer pour le Kill qui descend d'une place. On va commencer avec Fun avec la pièce All the Pretty Girls qui monte d'une place. Vous êtes dans les palmarès, c'est fou au 89 FM. Fun. All the pretty girls on a Saturday night. So I call your name, cross my fingers, uncross the others as tame. Oh, I don't think straight. straight with nothing to prove. Seul Je suis en compagnie de Célène et Ariel de la formation Ariel. Bonjour à vous deux. Salut, salut. Hello. Est-ce que vous pouvez vous présenter un peu, dire ce que vous faites dans le groupe? Moi, je suis Ariel Coulombe, chanteur et compositeur du groupe Ariel. Je joue de la guitare aussi des fois et je joue de la tambourine aussi des fois. Moi, je joue du clavier et je suis choriste aussi. Commençons par votre parcours. Vous avez commencé en 2007. Comment est-ce que vous êtes rencontrés, vous, le reste du groupe? On s'est rencontrés sur des un peu par hasard, tout le monde. On se connaissait pas, personne. On n'est pas comme le genre de band qui est composé d'amis d'enfance qui se sont montés un band et qui a connu une ascension instantanée après. Nous, en fait, on est tombés les uns sur les autres dans différents projets sur des shows de corpo. Moi, j'ai rencontré Célène au Cégep, puis ensuite, il était question de se monter un band de cover carrément avec des gens ici et là, puis finalement, ce band-là n'est nulle part. On a fait comme un show, mais ça a été une première expérience de groupe ensemble à jouer du Black Eyed Peas, du Britney Spears, puis du vieux rock'n'roll, du Beatles, plein de trucs comme ça là, pour faire lever un party. Puis finalement, on a eu du fun ensemble. Puis, C'est votre coup de génie de vous inscrire au Francouvert 2009 qui a fait débuter, mettons, si on veut mélanger les deux. Votre carrière, c'est qui prend le crédit pour l'inscription au Francouvert? Ouais, disons qu'à cette étape-là, on cherchait par tous les moyens, par tous les moyens nécessairement, mais en tout cas, on cherchait des moyens de donner de la visibilité. C'est sûr qu'en début de carrière, tu cherches à te faire voir. On faisait des petits shows dans les bars, tout ça. Puis bon, on était prêt à passer à une autre étape. Puis un concours comme les Francouvertes, ça donne l'occasion de jouer sur des grosses scènes, puis de monter un show un peu plus pro. Si on parle du premier album complet qui s'appelle Après le crime, il y a un thème dans tout ça, c'est assez sanglant, mortel presque. Oui. Disons lugubre. Ben, en fait, des thèmes pleins de double sens et ça a une couleur sombre, mais ça a toujours un petit côté aussi un peu plus humoristique ou humour noir, là, si on peut dire. Oui, c'est des thèmes que c'est moi qui écris les textes, puis bon, même la musique, ensuite l'ambiance des pièces. Il y a des Halloween un peu, presque. Oui, c'est sûr que ça se veut presque conceptuel, le espèce de synergie entre les textes puis la musique. C'est voulu qu'il y ait une ambiance sombre comme ça, mais quand même de party en même temps. Comme Célène disait, il y a souvent des doubles sens dans les textes. Plusieurs compositeurs ou artistes, peu importe lesquels ils sont, vont dire que souvent on trouve la créativité, l'inspiration beaucoup dans les moments sombres, beaucoup dans les mauvais espaces, puis c'est mon cas aussi, mais j'essaie par contre de m'inspirer de trucs sombres pour en faire quelque chose d'autre ensuite, pour amener quand même à d'autres choses, pas se complaire infiniment dans la misère et le trouble. Depuis la sortie de votre maxi, oui, en 2009, mettons, il y a presque tout le temps une pièce d'arrière qui a été sur le palmarès, assez fou, ça s'arrêtait pas, ça s'enchaîne l'une après l'autre, celle du maxi, puis ensuite celle de l'album. Oui, on a vu ça, c'est... Merci de nous réserver une si belle place. Mm-hmm. Donc, en ce moment, c'est la pièce Fringué pour le kill, qui est sur le palmarès. Ah ouais, go. Ouais. Je demande toujours... C'est les premiers à la faire jouer, celle-là. Ah, pour vrai? Oui, ça a été... On a une belle relation à distance avec Trois-Rivières, là, vraiment. On voit ça à chaque fois au palmarès, des nouvelles tunes. Vous êtes tout le temps les premiers à faire jouer nos trucs, autant. Puis depuis la période du maxi, même, vous allez être dans les premiers à nous faire jouer. Je pense qu'ils ont tous été sur le palmarès. Il me semble que c'est du maxi, si je me rappelle bien. Puis là, on va commencer à en manquer à un moment donné. Non, c'est pas vrai. Ouais, c'est ça. On jouera, on remettra les mêmes du début. C'est pas marrant. Sinon, on va sortir un unplug bientôt, un album de Noël. Puis ça serait cool, ça, par exemple. Un album de Noël, ce serait pas pire. Donc, je demande toujours à ceux qui ont cette énorme chance d'être sur le palmarès. C'est fou, hein? C'est, tout le monde s'arrache. En tout cas, j'arrête ici. Tout le monde s'arrache ce qu'ils veulent. Quelque chose, là, n'importe quoi. Je demande donc d'expliquer un petit peu la pièce Fringué pour le kill. Qu'est-ce que ça représente pour vous? Ça parle de quoi, cette pièce-là? C'est un des gros textes à double sens de l'album, parce que Il y a pas beaucoup beaucoup de texte dans cette chanson là, mais je voulais que ce soit très très ambigu. Puis en fait, tout ça c'est parti d'un jeu de mots avec. Ça vient en fait d'une expression anglaise qui est dress to kill. Ça et d'un film aussi de Brian De Palma qui porte du même nom, dress to kill, qui est un jeu de mots avec bon c'est ça, fait habillé pour tuer, qui est une expression qui veut dire que tu t'es mis sur ton 36, mettons, puis t'es prêt à faire des ravages, là. Mais dans la chanson, la personne qui est habillée pour tuer, entre guillemets, s'en va réellement commettre des meurtres. Mm-hmm. Mais elle s'est mise sur son 36 avant pour le faire. Puis c'est ça le double sens un peu qu'il y a dans la chanson. Puis quelque part, ça vient un petit peu... peut-être dénoncer ou mettre en lumière peut-être un côté superficiel de notre époque. Le fait que on travaille toute la semaine pour quelqu'un d'autre, pour des boss, pour le rêve, les rêves de quelqu'un d'autre, juste pour faire un chèque de paye, puis finalement aller laisser tout ça exploser le samedi soir ou le vendredi soir sur un dance floor, se défouler, tu sais, puis revenir ensuite à nos petites vies de petites vies de 9 à 5. Puis à travers ça, ben il y a des gens des fois qui pètent une coche puis qui vont commettre l'irréparable. C'est tout ça un petit peu qu'il y a dans cette toune-là, qui est vraiment pas clair, mais c'est ça qu'il y avait dans la tête au départ. C'est bon l'explication pour une chanson qui a quoi, genre 5 lignes dans l'état. Ouais, c'est à peu près ça. Ouais. Tu vois, il y a bien plus à dire de la toune que la toune dit d'elle-même, mais... Donc, je n'ai pas encore vu de spectacle d'Ariel. Malheureusement, je compte le faire un jour. Mais est-ce qu'on peut avoir des détails sur comment un spectacle d'Ariel se passe? Là, j'ai entendu que c'était pas mal rempli visuellement, là. Oui, bien, on bouge beaucoup. On est vraiment un groupe très dynamique. Donc, c'est sûr qu'en show, une fois, en fait, même, on conseille les gens presque de venir nous voir en show quasiment avant d'avoir acheté l'album, parce que ça ouvre les perspectives sur justement un autre côté quand tu écoutes l'album. Après, une fois que tu as vu ce qui se passait sur le stage, je pense que c'est un peu comme une énergie contagieuse, là. Donc, c'est ça. Ça vaut la peine de venir voir le spectacle. On a beaucoup... beaucoup de gens, justement, on a beaucoup de compliments, finalement, sur le show qu'on donne. Puis tes robes. On a beaucoup de compliments sur tes robes. Ça donne envie d'aller voir puis ça, les c'est miennes. Ça. Oh! Oh! Est-ce que vous avez d'autres spectacles qui s'en viennent pour ceux qui veulent, qui sont intrigués maintenant? Bien là, prochainement, aujourd'hui, il y a des dates qui se confirment pour entre Noël puis le jour de l'an. Donc là, c'est sûr qu'on on s'en va à Bécomo le 27, patelin de notre bassiste Benoît. 27 à Bécomo. Sinon, il y a des dates qui se confirment là, pour entre Noël puis le jour de l'an. On se tape une petite mini-tournée là, des fêtes Sept-Îles, Rivière-du-Loup. En tout cas, c'est en train de se confirmer là. Sinon, la grosse date là, qu'il faut mettre à tous les calendriers, c'est le 11 février. C'est notre entrée montréalaise. Ça vaut quasiment la peine de se déplacer de Trois-Rivières à Montréal pour voir ça. Ah, quasiment. Ah, ben. Parce que là, ça va être un show pas comme les autres. On se tape le Club Soda. On va avoir un super show d'éclairage, un show un peu concept. Là. On se donne. Là. C'est notre gros show. Puis, oui, des invités spéciaux que tout le monde connaît. Ah ouais, mais pas de scoop, c'est ça? Non, mais ceux qui nous ont vus au Francofolie l'an passé pourraient déjà avoir une idée de une ou deux personnes qui vont être là, mais il va y avoir d'autres surprises aussi. Question d'auditeur, d'accord, qui nous dit que ce qu'il aime d'Ariel, c'est le fait qu'on comprend bien les paroles. Bon, imagine que c'est voulu, mais il dit... qu'est-ce qu'il dit? D'ailleurs, je vous conseille de vous procurer l'album pour vraiment écouter les paroles du début à la fin, c'est fait. Mais que pensez-vous des groupes populaires en ce moment qui cachent presque toutes les paroles en fond derrière la musique? Il y en a des groupes, on n'aimera pas de nom, là. mais c'est bon, pareil, j'adore ces groupes-là, sérieusement, j'adore ça. Mais c'est vrai qu'on comprend à rien dans ces groupes-là. On se comprend. Ouais, ben... Ouais. Peut-être pour certains groupes, ça, je pense que c'est un choix juste esthétique là, de mettre la voix plus loin dans le mix. C'est un choix. Dans notre cas, je pense que... Encore là, je peux pas me prononcer pour les autres, mais je mets quand même beaucoup de temps et d'efforts et d'investissement personnel dans mes textes, aussi bien qu'on les entende. T'sais. Ensuite, qu'ils soient compris, là, que le sens du texte soit compris, là, ça, c'est une autre affaire. Mais déjà que c'est ça, déjà que mes textes sont des fois difficiles à cerner, à comprendre. Je voulais au moins que les gens puissent entendre les mots, puis ensuite qu'ils se fassent leur idée sur le sujet du texte. Mais ouais, c'est ça. C'était déjà assez compliqué de comprendre le sens des textes, qu'au moins je veux que les gens puissent entendre ce qui se dit. Puis comme je disais tantôt, c'est quand même un défi de faire sonner le français en rock. Ça demande beaucoup de travail au niveau du choix des mots, puis d'aller chercher des jeux de sons, des jeux des allitérations, des syllabes qui se répètent. Donc ça, tant qu'à mettre autant d'efforts là-dessus, autant que ça soit entendu. Pour terminer, est-ce que ça vous tente de choisir une pièce sur votre album qui, selon vous, mérite d'être connue ou qui peut-être jouerait pas à la radio en temps normal? Aucune limite de temps, aucune limite de style, vraiment la pièce que vous avez envie de faire entendre. Ben, je pense qu'on irait... Belle Morgonde. Belle Morgonde. C'est un de nos coups de cœur, je dirais, à l'interne. OK, parle-moi un peu, donc, de cette pièce-là. Ouais, ben c'est une des tunes Belle Moribonde qui représente bien notre justement nos paradoxes, nos contrastes, le côté notre côté macabre, le côté macabre du texte puis de l'ambiance, mais avec un petit côté sourire en coin derrière ça, petit côté humour noir. T'es belle depuis que t'es morte. Genre, ben c'est ça. Ouais. C'est ça, premier degré. Deuxième degré. Il y a des bonnes petites lignes. D'ailleurs, cette ligne-là, là, ouais. Comme ça complétait. Quand j'ai trouvé cette ligne-là, là, c'est ce qui manquait à la toune. Mm-hmm. J'étais content. J'étais comme, il manque un bridge, il manque quelque chose. Mais, ah, wow. Je veux me faire un T-shirt avec cette citation-là. C'est le fun. Explication du texte. Encore là, il y a deux degrés de compréhension à ce texte-là. On comprend qu'il y a un couple, en fait, une fille, un gars. La fille essaye désespérément d'attirer l'attention, finalement, de son chum, qui, lui, est, dans le fond, distrait, obnubilé par une vie de divertissement comme on nous incite à avoir dans ce monde. On le forçait à acheter des CD dans son... Il est comme pris là, devant son écran, on sait pas trop, là, ça c'est pas important, là, ça c'est chacun est libre d'interpréter comme il veut, mais bref, la fille est là, cherche son attention, elle veut du concret, elle veut avoir une vraie relation avec le gars, et le gars lui donne aucun attention. Finalement, la fille, elle envoie un genre de signal, un genre de signal de détresse, si on veut. Elle va pas bien, puis elle demande le soutien de son chum. C'est ça, qui vaut absolument rien. Puis finalement, elle se coupe en morceaux sous ses yeux. Puis c'est là qu'il finit par la remarquer, mais une fois que le travail est achevé, puis là, il constate que, wow, il y a du sang partout. Puis tout ce qu'il trouve à dire, c'est, wow, t'as donc bien sali le plancher. Puis ça, c'est le refrain de la chanson. Il est tellement blasé que ce qui se passe de concret, aussi dramatique que ça puisse être, ce qui se passe de concret sous ses yeux, ça suscite plus d'émotion chez lui. Il vit sa vie dans un monde de divertissement, un peu comme, si on veut, comme les gens qui vivent à travers une fausse identité dans un jeu vidéo ou qui s'inventent une personnalité sur Facebook, mettons, que c'est une personnalité qu'ils n'ont pas, mais... Ben, merci beaucoup, Célène et Ariel, de la formation Ariel. Vraiment super apprécié. Merci à toi. Merci de ton accueil. Ça fait plaisir. Le graissement des machineries couvrait tes cris à demi-éteint. De l'autre côté de la pierre. We'll be right back. la pièce. Du pain et des jeux à l'éclat, du pain et des jeux jusqu'à la fin des temps. Je n'ai pas voulu voir le reste, ma belle. La pièce Belle Moribonde d'Ariel. En passant, l'entrevue que vous avez entendue avec Célène et Ariel de la formation Ariel, c'est une version très, très coupée à 15 minutes environ. La version complète dure 45 minutes et il va y avoir une émission spéciale Ariel en noir et rose. Surveillez le site de C'est Fou au cifou.ca pour la diffusion. Et ça, ça va être très, très bon parce que là-dedans, on parle entre autres de leur ambiance, l'ambiance lugubre là, vraiment de l'album. On y va plus dans les détails. Je leur ai demandé si c'était déguisé pour l'Halloween. Hein? Tu ouais. l'as demandé ça? Tout à fait. Aussi, s'ils aimaient les autres affaires d'horreur, style bande dessinée ou film d'horreur, on parle de David Lynch pas mal dans l'entrevue complète. C'est à surveiller, donc c'est fou.ca pour la date de diffusion exacte. Cool! Oh que oui! Pour l'instant, nous, c'est la fin de la première, de la deuxième et de la troisième peut-être éventuellement, mais en ce moment, c'est pas mal la deuxième. Déjà! Pas mal la fin de la deuxième heure. Il va y en avoir une troisième, une dernière tout à l'heure. On va entendre la musique de Paul Carniello, La Pâte à Rose, Alex Nevsky, Panache et Jérôme Minière en franco. Oui, en anglais, on va entendre Mister Valère, Black Mountain, Final Flash, Our Book and the Authors, plein de bonnes choses. Alors restez avec nous, c'est les palmarès, c'est fou. Oh, puis il y a un instant classique aussi. Oh, on va sauter des affaires encore. Il n'y en a pas de problème. C'est fou ça. Sur le net, au cifou.ca. 89. Ah, c'est la troisième heure des palmarès C'est fou pour la semaine du 22 au 28 novembre 2010. Stéphanie Gagné est là. Mathieu Plante est là devant moi. Ah, ben moi aussi, t'es devant moi. On est tous l'un devant l'autre. Oui, on se voit à travers les micros. Oui, est-ce qu'on pourrait faire comme un miroir, genre si je lève la main droite, tu lèves la main gauche. OK, puis là, je lève la main gauche, puis là, on tape des mains dans les airs comme si tout le monde don't care. Et super. Donc, dans la troisième heure, il va y avoir les instants classiques d'assemblage requis. Ça s'en vient dans les prochaines minutes. Mais avant ça, là, on va faire un petit bloc de... laissez-moi compter. On va faire un bloc de 8 pièces. De combien? De 8 pièces. Mais vous me demandez, Stéphanie, tu me demandes, mais comment est-ce qu'on va jouer un bloc de 8 pièces? 8 pièces. D'un coup sec. Parce qu'on va en sauter une tonne. Alors, on va sauter par-dessus les huitièmes du côté anglo. C'est Brand Van 3000 avec la pièce You. Et côté franco, c'est Alex Le Maniaque avec Monsieur Ballonné qui baisse de une position. On va sauter aussi par-dessus la position numéro 7 francophone. C'est Rockstar de Ripé, ça monte de 3 places. Mais on va l'entendre la 6e position côté franco. Et on commence avec Raw Riot à la 7e position qui monte de 2 places. C'est la pièce Too Dramatic de leur album The Orchard. On fait un résumé du reste des choses qu'on saute après le bloc pour pas trop vous mêler. Run with all my heart to black shores and rivers. In spite of all I feel, you're too dramatic. I'm sure. Not in my house. understand it. You're too dramatic. Numéro 6. Bas jusqu'au genou, jeans serré orange, sous sa chemise blanche, se cache l'homme et prêche, et qu'on perd du en main, comme un thème à terre, est un leader, non, non, non. Je l'ai mérité, tu m'aimes après ma chance. J'ai pas pour un 354 Barry avec Ram. Hein? C'est la position numéro 5 stable du côté franco. On a sauté par-dessus Final Flash avec The Awakening. Ça montait de 3 places en 5e anglophone. Avant ça, on a sauté, dans le fond, une pièce par position pour sauver du temps. On a entendu Paul Canello avec La course des loups qui monte de 14 places. Mais on a sauté par-dessus Humans avec la pièce Avec Mimek qui descend de 3. Et voilà. Bon. Et maintenant, c'est fini avec le skippage de tout. No more. No more. More Mr. Nice Guy. C'est pas une chanson, ça, je pense. Je sais pas. Avec Jackie Chan. Une chanson avec Jackie Chan. Je pense que c'était un film, ça. Peut-être. Hein? Mr. Nice Guy. Je sais pas, mais je sais que c'est le temps pour un instant classique. Ah, enfin! Voici les meilleurs moments d'assemblage requis pour la semaine du 22 novembre 2010. Ben, lundi matin est pénible pour nous, donc oui. Devrait être pénible pour eux. Si on doit souffrir, vous devez tous souffrir avec nous. C'est pour ça qu'on fait une mission de mal. C'était quoi ce bruit-là que tu viens de faire avec ta... C'est pour moi. C'est quoi? C'est pour moi. C'était quoi? C'est pour moi. C'est le coyote? C'est le coyote? C'est le coyote? Coyote en vie. Savais-tu que Stéphanie Gagné vient nous voir une fois par semaine les lundis? Ben, elle vient deux fois par semaine, mais en fait, elle vient trois fois par semaine avec les palmarès. Mettons qu'elle vient comme quatre fois par semaine avec les bimbèches. Mais dis, mettons qu'elle est tout le temps là. Mettons qu'elle vient pratiquement une fois par jour. Mais le lundi, c'est les spectacles. Puis là, ben, c'est le moment de l'amener. Puis toi, ben, t'aimes bien lui chanter sa petite chanson. Fait qu'on va la chanter ensemble. OK, parfait. OK, okay. Attention, attends, on va juste. On vocalise un peu. Oh. Okay. OK, je prends. OK. 1, 2, 3, 4. Take me out to the ball game. Take me out to the... Moi non plus, je sais pas. Bring me some peanuts and Cracker Jacks. Never again. Back. Back, je pense que c'est fini par back. Hein? Stéphanie, t'es content? Non, t'es pas content. Non. Rien dans ta face. Badaboum, badabing. Wow. Ça, c'était la version asiatique. Très bonne version, d'ailleurs, que je vous suggère d'aller télécharger. C'est ça. You want to learn something? Oh, no thanks. Bon, OK, ben, laisse faire. Bon. J'ai toujours à Assemblage requis au 89.1 FM, la Radio Campus de Trois-Rivières, la seule, l'unique, la meilleure. Faut que tu dis en marketing, mais je suis capable d'en faire des slogans, moi aussi. Et ça, pis ça sonnait comme une tonne de briques, Mathieu. Oui, oui, une tonne de briques en plein dans ta face. Qu'est-ce que tu veux répondre à quelqu'un qui te dit « Juge-moi pas et laisse-moi vivre » Ouais. J'avoue, c'est quoi, c'est ta blonde qui dit ça? Non, c'est moi qui dis ça. OK, c'est sympathique quand même, hein? J'aimerais ça. Hey, mais elle capote, elle déteste ça quand je lui dis. C'est très, très bon. Ouais. Tu vas m'en vouloir si je baisse ton micro graduellement pendant que tu parles, mettons que t'entends parler. Bon, tu feras pas ça, Mathieu, voyons là. J'ai goût de crier. Ah, ben là. Ah non, ça arrive, non, ça arrive, écoute, je suis fatigué. Attends, okay. Juste pour te soulager, OK, parce qu'il y a personne dans l'université, je pense que la chasse n'est même pas encore ouverte, peu importe, même si elle l'est, on va faire comme si elle n'était pas. Je te ferme ton micro, parce que ça va être gossant sinon, puis crie bien, bien fort, OK? Moi, je vais me boucher. Non, je ferme le micro, OK, vas-y. C'était pas très fort, ça, par exemple. On l'a même pas entendu. Ah, c'est pas. En fait, tu viens quand même. Tu m'as fait rire, merci, Matt. D'accord, fais plaisir. J'essaye. T'avais un poil sur ton micro, mon ami. Un peu. Écoute, c'est des choses qui sont dérangeantes le matin. En fait, j'avais pas de poil sur mon micro. C'était littéralement ma moustache qui frottait sur le micro. C'est joli. C'est Vive November, hein, c'est. Bambi. Ouais, c'est ça. C'est ça que ça fait, un Bambi. Ah oui, c'est ça. Dans le bois, là, si tu veux le caler, là. Bambi. Bon. Mais il faut que tu le répètes plusieurs fois, par exemple. Puis des fois, ça prend un porte-voix parce que sont loin. Est-ce que tu remarques qu'on a plus de torque? Non. Non, c'est ça, mais c'est le cas. Bon, bienvenue à C'est fou avec plus de torque FM. On se dit yeah. Wow. Salut, c'est moi. Ouais. Merci, Mathieu. Fait plaisir. Oui, là, faut se dépêcher, le mois finit. Le mois va finir. Donc, je vais pouvoir me raser. Enfin, toutes nos blondes vont être contentes. Sauf celle de Simon, tu gardes la tienne, toi, je pense. Ok, ouais, c'est ça. Fait que ta blonde, elle doit aimer ça si elle est avec toi, hein. C'est ça. On l'espère, en tout cas. Par exemple, c'est des moments de même qui font que ces missions-là vaut la peine d'être excitées. Ça parce n'était pas drôle. Tu sais jamais qu'est-ce qui va se passer comme gaffe. C'est ça qui est le fun. Tu deviens fan de ça. Sur Facebook, là. Voilà, c'est c'était les meilleurs moments d'assemblage requis. Ouais, juste une drôle de façon de faire les transitions, je sais. Pour la semaine du 22 novembre 2010, on a bien eu du plaisir avec notre continuation du mois de Movember avec nos moustaches et nos barbes. C'était la référence qu'il y avait à la fin. Et une autre référence aussi que vous compreniez peut-être pas, notre torque. Tu me demandais c'est quoi le torque? Oui. Je faisais référence à ça souvent ce matin. On a changé les paramètres de la radio, on sonne mieux. Donc, plus de différence entre la voix et la musique maintenant. Tout sonne cool. Correctement. C'est bien, hein? C'est très bien. Merci, Danny Janvier, notre technicien audio qui fait du travail de millionnaire. Fait du bon travail, c'est ça. Thanks for the torque. Et oui, merci pour la torque. En français, ça sonne moins bien, la torque. donc voilà, pour les meilleurs moments d'assemblage requis, c'est du lundi au jeudi entre 7h et 9h que du condensé de notre meilleur. Tous les jours, 7h à 9h. Stéphanie va être là lundi avec sa chronique Take Me Out. Take lundi, me non! Out of the ball game! J'aimerais ça fermer ton micro. T'es pas à la console. J'aimerais ça. Maudite chanson de baseball. Ça. Veux-tu que je le baisse aussi ton micro comme j'ai fait à François dans l'extrait? Non! C'était génial. une chance qu'on n'a pas de meilleur moment des palmarès, c'est fou, hein? Ce serait un beau petit 45 secondes. À peu près. À peu près. Alors, on est rendu au position numéro 4 du côté anglophone, c'est Black Mountain avec Old Fangs. Ça, c'est stable en quatrième. Et quatrième position côté francophone, c'est La Patte à Rose avec Waikiki qui monte de 2 positions. Vous êtes dans les palmarès, c'est fou. Au 89 FM, c'est un condensé de la meilleure musique que c'est fou. Ok, oui. Oh oui, mon Waikiki. numéro 4. De Black Mountain, stable en quatrième position, Anglo. Oui, stable, et c'est sa quatrième semaine. 4-4-4. Stable, fourth week. Four. Four. Comme au golf, là. Four. Avant, c'était la patte à rose avec Waikiki à la quatrième position francophone. Exactement. On est rendu position numéro 3. Du côté anglo, on va entendre Mister Valère avec l'excellente pièce Gumshoe qui descend d'une place. Et côté franco, on va aussi entendre une très bonne pièce étonnante, Bouvier-Bernois, de Panache. Une très bonne pièce étonnante dans le sens que t'es étonné que ce soit bon, non? Oui, parce que moi, j'aime, c'est rare que j'aime du franco, et quand j'ai vu le mot Panache, oh! Je me disais pas, oh, ça va être un groupe que je vais aimer, avec une chanson qui s'intitule Bouvier-Bernois. J'avoue. Je sais pas. Si t'attendais à autre chose dans le palmarès francophone qu'on ne mentionnera pas de nom. Non. Non. C'est ça. Mais c'est très bon. Écoutez, les Palmarès, c'est fou, c'est un condensé des pièces préférées des animateurs de C'est fou en général. Donc, évidemment, on rappelle que c'est pas toujours notre choix à nous. Là. Il y a des affaires qu'on aime moins, mais ça, c'est normal. Ça représente C'est fou au grand complet. Nous ne sommes que les... comment dire, t'sais? Les animateurs. C'est pas mal ça, le mot. Mais sans blague, je pense qu'on aime genre 95% de ce qu'il y a là-dedans, donc c'est très, très bon. Cool. Ouais, alors on va aller écouter Panache avec Bouvier-Bernois à la troisième position, une hausse de 8 positions. Au 89 FM. Ils nous ont cernés. Séparons-nous et essayons de trouver une sortie. Don't give up. When they get you down, down. Best things in life go down. Keep on the one, two. Stick like a gum. Shoot the best things in life go down. Keep on evolving. Breaking records, revolving. Disco. Be solving. Keep on the one, one, two. Stick like a gum. Shoot the best things in life. Go up and down. When the world may life try to push you down, it's time. Gumshoe de Mister Valère de leur album Golden Bombay. C'est à la troisième position côté anglophone. Ça baisse d'une position. Alors ça, c'était Panache avec Bouvier-Bernois qui monte de la 11e. Donc, très, très bonne remontée. J'aime vraiment ça que ça monte vite comme ça. Quand c'est bon, là. Ouais. C'est gêne-toi pas, là. Fais-la jouer, puis away, là, en haut, là. Parlant de ça, c'est oui. Le cas de la 12e position du côté anglophone. Ben tout à fait. Arbok and the Authors avec la version remixée de Kids monte de 14 places. Excellent, excellent. Ça vient de leur album de remix. Dans le fond, un petit maxi, là, avec des pièces remixées dessus. Là. Oui, excellent, maxi. Et du côté francophone, c'est Jérôme Minière avec des pieds et des mains qui monte de 2 places. Mais quelle excellente musique est-ce qu'on diffuse dans les palmarès C'est fou ici? Ça n'a même pas de bon sens. Ben, c'est inacceptable. Tu sais, il va falloir qu'ils nous taxent là-dessus. Là. Hein? À un moment donné, tu réalises ça, là? Ça va augmenter 3 fois là, comme les frais de scolarité. Pas d'affaire. Non. Regarde. Non. Embarquons pas dans le sujet. Un homme pompé. Vous êtes vraiment assez fou au 89 FM. On va se calmer un peu. Là. Ouh, zen. Ah, zen. Quand nous aurons tout avalé, tout consommé, tout consumé, quand nous aurons tout englouti, comme des fourmis sur un fruit, il ne restera que nos corps. Nous commencerons par les pieds, puis nous mangerons notre main, et nous garderons l'autre pour demain, jusqu'au jour de la planète. Il ne restera plus que nos têtes, qui fileront comme des comètes, à travers. Avaler, tout consommer, tout consumer, nous devrions nous réveiller de ce rêve malsain qui nous tient. Il ne restera que nos corps, nous commencerons par les pieds, puis nous mangerons notre main, et nous garderons l'autre pour demain, jusqu'au jour de la planète. Il ne restera plus que nos têtes. Bien sûr, il sera trop tard pour faire des pieds et des mains, des grimaces sans beauté. Il ne restera que nos corps. Nous commencerons par les pieds, puis nous mangerons notre main, et nous garderons l'autre pour demain, jusqu'au jour de la planète. Il ne restera plus que nos têtes. Restez avec nous, au retour, il y a Our Book and the Authors. Et je vous dis pas les autres artistes, parce que sinon, ça serait comme vous dire les numéros 1, puis à un moment donné, c'est comme un petit peu de gêne, là, t'sais, une punch, là, comme dans, t'sais, comme une devinette, là, mettons, t'sais, un sphinx, comme le sphinx. Mais sans vraiment l'être du tout, comme pas pantoute. hands were frozen, my hands were frozen. I should have known, but my head was frozen, my head was frozen. But you should forgive us, 'cause we're all big kids in the end. And you will forget us, 'cause we're all juste génial. On le dira jamais assez. Non. On leur dit-tu? C'est juste génial. C'est tellement bon. Oui! C'est dit, on l'a dit. Yeah, yeah, à un moment donné, il faut assumer nos opinions. C'est génial ce qu'ils viennent jouer, bon. Oui. Ouais. C'est Kids, version remixée par Arbuck and the Authors. Ça monte de 14 places. C'est en deuxième position anglophone. Yep. Et du côté francophone, c'était Jérôme Minière, j'en allais dire panache, mais non. Jérôme Minière avec des pieds et des mains qui montent de deux positions. Et voilà, c'est dit. On est rendu aux positions numéro 1 et maintenant, tu sais ce que c'est. Qu'est-ce que ça veut dire, Stéphanie, position numéro 1? Oui, je l'attendais. Ça veut dire quoi? Ça veut dire jeu de mots plates. Ah, ben non, je ferai jamais de jeu plate. I would never do that. Ou comme ils disent en Russie, I would ski, Nevsky do that ski. Mais... jeu de mots, avec Alex Nevsky. Oups, excuse-moi. Faut se poser de le dire. C'est tellement... Je fais tout le temps ça. Mes jeux de mots, à chaque semaine, sont clairs. Sont clairs comme le bleu du ciel, je te dirais à peu près. Là. Ouais. The blue color of the sky? Oui. Oui? Non? Oui. Oui. Personne d'autre que toi les comprend, mais quand même. Ça. J'attendais que tu fasses un jeu de mots sur un des deux autres items. Non, là. Tu vois, j'essaye d'en trouver, mais c'est un blanc total. White knuckles! Blanc ouais. Comme des jointures, comme, mon Dieu! Pareil, ben, c'est, ouais. Plus rose. Moi, c'est pas vraiment blanc. Pêche, mettons. Pêche, ouais. Pêche. On peut pas dire couleur peau, pêche. Pêche foncée. Ouais. Pêche foncée. Non, on peut pas dire couleur peau parce que tout le monde a des peaux de couleurs différentes. Ben, c'est ça, à un moment donné, quelqu'un a comme fini par comprendre ça, mais j'avoue que ça a pris du temps parce que sur les couleur crayons. Peau, c'est un peu insultant. Ça a été long avant que les crayons changent d'appellation pour couleur peau à je sais pas qu'est-ce que c'est. Là. C'est quoi l'appellation, officiellement? Je sais pas. Cher, même pas. Non, cher, c'est pareil comme couleur peau, finalement. Couleur peau de Mathieu Plante. C'est ça, de gars très, très pâle. Ma pâlitude est pâlissante, à vue d'œil. Genre. Ouais. Imagine-moi sur un plancher de danse, mettons, on dirait à une place où il y aurait, je sais pas, des stroboscopes, mettons. Hein? Je vais glisser un petit dernier. Okay. Sur les stroboscopes pour le dernier jeu de mots. Ça va faire. Je vais les expliquerai après en vous disant qu'est-ce qui est numéro un. Puis vous comprendrez ou vous ne comprendrez toujours pas. D'un côté ou de l'autre, vous serez malheureux parce que vous avez entendu des niaiseries de ma part. On est habitué. On aime ça. Ouais. C'est plate. Alors voilà, numéro un francophone. Suivi du numéro un anglophone? Possiblement. Oh, c'est ce qu'on annonce à l'extérieur. Il fait moins un. Position. On n'est pas une station de météo, on ne dit jamais la météo ici. Non. Puis vous pas la. Il fait fret. Sur l'échelle de la fret, il fait fret. Bon. Nos vies dansent sous les stroboscopes. Remplir nos têtes de oubli dansent sous les stroboscopes. Faut se rendre à l'évidence sous les stroboscopes. Petite nuit et obimance sous les stroboscopes. Plutôt l'excès que l'abstinence sous les stroboscopes. Abattant finesse et finance sous les stroboscopes. Remplir nos têtes de oubli dansent sous les stroboscopes. Plus d'incidence que de science sous les stroboscopes. Dans sous les stroboscopes. Danse sous les stroboscopes. Nos vies dansent sous les stroboscopes. Totalement libre sans qu'on y pense sous les stroboscopes. Ni mensonge ni manigance sous les stroboscopes. Chacun sourit si son lit danse sous les stroboscopes. Dans nos têtes la délivrance sous les stroboscopes. Entre exutoire et obligeant sous les stroboscopes. Remplir nos têtes de oubli danse sous les stroboscopes. Ah oui c'est sûr que nos vies dansent sous les stroboscopes. Dance sous les stroboscopes. Black white, black white, black white, black white. Everything seems so fun until you turn on the lights. Do you get inspired by nights? You can't play back at the bar. The facts, your best friend lays down of how people react.

position numéro 1 des deux côtés, mais avant de dire nos numéro 1, petit récapitulatif. Commençons par le francophone. En 5e, c'est 354 Barry avec Ran. En 4e, la Pâte à Rose avec Waikiki. En 3e, Panache avec Bouvier Bernois. En 2e, Jérôme Minière avec Des Pieds et des Mains. Et on a entendu au début du bloc Alex Nevsky avec Sous les stroboscopes, d'où mes jeux de mots sur le russe et les ma blancheur, ma pâlitude. Alors, c'est un top 5 cette semaine. Ouais, ça me tente de même, juste pour la OK. Fin. Alors, côté anglophone, numéro 5, c'est Final Flash avec The Awakening. À la 4e position, c'est Black Mountain avec Old Fangs. 3e position, Gumshoe de Mr. Valère. 2e place, Kids de Our Book and the Authors, la version remixée. Et première position, OK Go avec White Knuckles, qui a mené à toute une conversation à propos de la couleur peau qui n'existe pas. Voilà. Et de la couleur du bleu du ciel, parce que mes jeux de mots sont si clairs. Voilà. Parce que leur album s'appelle Of the Blue Color of the Sky. Ouais. Vous savez tout maintenant. Et oui, d'habitude, en fait, je te raconte, Stéphanie, c'est un top 5 depuis toujours, en fait. C'est juste qu'à chaque semaine, depuis le début de la saison, on a toujours manqué de temps, donc on faisait des top 3 bien, bien rapides. Ah, oui. En tant que tel, c'est supposé être un top 5. C'est le fun, hein? C'est le fun de savoir ça. Avoue que tu ne savais pas ça. Non. C'est la fin de l'émission pour cette semaine. On va se quitter avec un extrait, vu qu'on a le temps. On finit un petit peu de bonheur cette semaine, je trouve. On va écouter une pièce du palmarès électronique. On en a parlé un petit peu plus tôt dans l'émission du fait que le top 3 était composé de LCD Sound System avec l'album This Is Happening. En deuxième, Lovers avec Dark Light. En première, Gold Panda avec Lucky Shiner. On va entendre un extrait de la position numéro 3. Donc, ça va être la pièce home de la formation américaine LCD Sound System, tirée de leur album This Is Happening. Troisième position. Palmarès électronique. J'ai tout dit à peu près 3 fois là-dedans, je pense. Si vous voulez entendre le top électronique, il faut syntoniser le vestibule tous les samedis soirs, ici même sur les ondes de C'est Fou. C'est animé par Jean-François Fecteau et ses mains de maître. Reste à l'écoute, les auditeurs du jeudi vont rester avec Stéphanie. Tu restes avec eux, tout le monde reste ensemble. C'est une belle émission. Qu'est-ce qui s'en vient? Ça va être une émission seulement masculine. Alors, Cage the Elephant, We Are Wolves, The Almost... Atomic Baobab, Carquois, The Steels, plein de bonnes choses. Mais que du gars, que de l'homme. Ben oui, que de la virilité là-dedans, Colin. Toi, la cause féministe vient de reculer, là. c'est une peu méchante émission, c'est les jeudis à 17h, on rappelle, les mardis à partir de 15h. Je vous rappelle que les palmarès C'est Fou sont en direct tous les jeudis après-midi entre 14h et 17h. On est en rappel les vendredis soirs à 17h. Et pour les auditeurs du vendredi, ça va être les lutins de l'enfer qui vont suivre dans quelques instants à partir de 20h. Voilà, allez sur le cifou.ca pour la distribution complète, notre cast and crew, c'est sur cifou.ca. Sinon, allez retrouver la balado-diffusion de l'émission et les notes sur assemblagerequis.com. Stéphanie passe une très belle émission. Merci, bonne semaine, Mathieu. À la semaine prochaine. Bye bye. Bye bye. Bye bye bye bye bye. Comme NSYNC. Ça manque d'NSYNC, les palmarins, c'est fou, ça. Je cherchais quelque chose qui manquait. Des fois, c'est la cannelle. Bye bye bye bye. On fait honte à l'électronique, on laisse jouer ça. We'll be right back. Things that we laughed about.